Unité 10. Conversation. Écoutez. Claude, qu'as-tu fait hier soir? Je suis allé au cinéma. Qu'as-tu vu? J'ai vu un film policier. Es-tu allé seul au cinéma? Non, je suis allé au cinéma avec Valérie. Et ensuite, où êtes-vous allé? Ensuite, nous sommes allés dîner dans une pizzeria. Répétez. 1. Claude, qu'as-tu fait hier soir? 2. Je suis allé au cinéma. 3. Qu'as-tu vu? 4. J'ai vu un film policier. 5. Es-tu allé seul au cinéma? 6. Non, je suis allé au cinéma avec Valérie. 7. Et ensuite, où êtes-vous allé? 8. Ensuite, nous sommes allés dîner dans une pizzeria. Répondez, répétez. 9. Claude, qu'as-tu fait hier soir? 10. Je suis allé au cinéma. 11. Qu'as-tu vu? 12. J'ai vu un film policier. 13. Es-tu allé seul au cinéma? 14. Non, je suis allé au cinéma avec Valérie. 15. Et ensuite, où êtes-vous allé? 16. Ensuite, nous sommes allés dîner dans une pizzeria. Écoutez. 17. Colette, as-tu fait ton travail? 18. Non, je suis allée voir une exposition. 19. Quelle exposition as-tu vue? 20. J'ai vu l'exposition Chardin au Grand Palais. 21. Es-tu allée seule au Grand Palais? 22. Non, je suis allée au Grand Palais avec Daniel. 23. Et ensuite, où êtes-vous allée? 24. Ensuite, nous sommes allés chez Françoise. Répondez, répétez. 25. Colette, as-tu fait ton travail? 26. Non, je suis allée voir une exposition. 27. Quelle exposition as-tu vue? 28. J'ai vu l'exposition Chardin au Grand Palais. 29. Es-tu allé seul au Grand Palais? 30. Non, je suis allé au Grand Palais avec Daniel. 31. Et ensuite, où êtes-vous allé? 32. Ensuite, nous sommes allés chez Françoise. Écoutez. 33. Dimanche, Pierre est allé à Chartres. 34. Il a accompagné son amie Françoise à Chartres. 35. Ils sont allés chez la grand-mère de Françoise. 36. Françoise a présenté Pierre à sa grand-mère. 37. Ils sont allés ensuite visiter la cathédrale. 38. Ils sont rentrés à Paris le soir. Répondez, répétez. 39. Où Pierre est-il allé dimanche? 40. Dimanche, Pierre est allé à Chartres. 41. Qui a-t-il accompagné à Chartres? 42. Il a accompagné son amie Françoise à Chartres. 43. Chez qui sont-ils allés? 44. Ils sont allés chez la grand-mère de Françoise. 45. Françoise a-t-elle présenté Pierre à sa grand-mère? 46. Oui, Françoise a présenté Pierre à sa grand-mère. 47. Ont-ils ensuite visité la cathédrale? 48. Oui, ils sont allés ensuite visiter la cathédrale. 49. Quand sont-ils rentrés à Paris? 50. Ils sont rentrés à Paris le soir. Écoutez. Ton amie Sophie est-elle arrivée? Oui, elle est arrivée de Lyon avec une amie. À quelle heure sont-elles arrivées? Elles sont arrivées à 5 heures. Sont-elles venues directement de Lyon? Non, elles sont passées déjeuner à Avallon. Répétez. 51. Ton amie Sophie est-elle arrivée? 52. Oui, elle est arrivée de Lyon avec une amie. 53. À quelle heure sont-elles arrivées? 54. Elles sont arrivées à 5 heures. 55. Sont-elles venues directement de Lyon? 56. Non, elles sont passées déjeuner à Avallon. Répondez, répétez. 57. Ton amie Sophie est-elle arrivée de Lyon? 58. Oui, elle est arrivée de Lyon avec une amie. 59. À quelle heure sont-elles arrivées? 60. Elles sont arrivées à 5 heures. 61. Sont-elles venues directement de Lyon? 62. Non, elles sont passées déjeuner à Avallon. écoutez. Est-ce que tu m'accompagnes à la librairie? Oui, je t'accompagne volontiers. Que veux-tu acheter à la librairie? Je veux acheter des livres d'économie politique. As-tu les titres? Oui, je les ai notés sur mon agenda. Les voilà. Est-ce que tu les as? Oui, je les ai. Dans quelle librairie les as-tu achetés? Je les ai achetés chez Gibert. Répétez. 63. Est-ce que tu m'accompagnes à la librairie? Soixante-quatre. Oui, je t'accompagne volontiers. 65. Que veux-tu acheter à la librairie? 66. Je veux acheter des livres d'économie politique. 67. As-tu les titres? 68. Oui, je les ai notés sur mon agenda. Les voilà. Soixante-neuf. Est-ce que tu les as? 70. Oui, je les ai. 71. Dans quelle librairie les as-tu achetés? 72. Je les ai achetés chez Gibert. Répondez, répétez. 73. Est-ce que tu m'accompagnes à la librairie? 74. Oui, je t'accompagne volontiers. 75. Que veux-tu acheter à la librairie? 76. Je veux acheter des livres d'économie politique. 77. As-tu les titres? 78. Oui, je les ai notés sur mon agenda. Les voilà. 79. Est-ce que tu les as? 80. Oui, je les ai. 81. Dans quelle librairie les as-tu achetés? 82. Je les ai achetés chez Gibert. Écoutez. 83. Que fais-tu maintenant? 84. Je rentre chez moi. 85. Est-ce que tu me déposes à l'opéra? 86. Je te dépose où tu veux. 87. Et nous? Est-ce que tu nous laisses à la gare de Lyon? 88. Je vous laisse où vous voulez. Répondez, répétez. 89. Que fais-tu maintenant? 90. Je rentre chez moi. 91. Est-ce que tu me déposes à l'opéra? 92. Je te dépose où tu veux. 93. Et nous? Est-ce que tu nous laisses à la gare de Lyon? 94. Je vous laisse où vous voulez. Écoutez. 95. Paul est allé chercher sa voiture. 96. Ses amis sont montés dans sa deux chevaux. 97. Il les a accompagnés. 98. Il a laissé Colette à l'opéra. 99. Puis, il est passé à la gare de Lyon. 100. Et ensuite, seulement, il est rentré chez lui. Répondez, répétez. 101. Où Paul est-il allé? 102. Paul est allé chercher sa voiture. 103. Où les amis de Paul sont-elles montées? 104. Ses amis sont montés dans sa deux chevaux. 105. Qu'a fait alors Paul? 106. Il les a accompagnés. 107. Où a-t-il laissé Colette? 108. Il a laissé Colette à l'opéra. 109. Puis, où est-il passé? 110. Il est passé à la gare de Lyon. 111. Qu'a-t-il fait ensuite seulement? 112. Ensuite, seulement, il est rentré chez lui.